Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans le cours de l'histoire. Le capitalisme est-il le meilleur des mondes? Nous allons en discuter avec Thomas Piketty. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le capital est une notion qui prend la tête. Comprenez, le mot capital vient du latin caput, la tête. Dans son acception juridique, sous forme d'adjectif, il possède une lecture assez sombre. Il postule d'avoir la tête tranchée, c'est la peine capitale, l'exécution capitale. Ce qui est capital est placé en tête, c'est le cas des lettres capitales, de la ville capitale, voire des péchés capitaux. Mais le mot capital conduit tête baissée vers la notion de fortune. Il y a un peu de capital dans le mot cheptel, l'ensemble du bétail qui se trouve dans une ferme. C'est donc par la tête que le mot glisse vers l'argent, vers la richesse. En tout cas, c'est ainsi qu'il apparaît au XVIe siècle. Le capital est le principal d'une dette, d'une rente. Mais il faut attendre le XIXe siècle pour que ce mot devienne vedette. Il faut citer Karl Marx, il faut attendre le XXIe siècle aussi. Et il faut citer Thomas Piketty, et oui. Le capital, une notion complexe qui pèse sur nos têtes quand il n'en fait qu'à sa tête. Cette semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, capitalisme, qui es-tu? Capitalisme, d'où viens-tu? Hier, nous avons cherché s'il était possible de trouver une date de naissance du capitalisme. Bien sûr, nous ne l'avons pas trouvée parce qu'elle n'existe pas. Mais nous avons compris qu'il y a un mouvement évolutif qui permet d'expliquer le capitalisme d'aujourd'hui. Ce sont des émissions à réécouter en ligne sur le site internet Le Cours de l'Histoire, franceculture.fr ou bien en podcast. Et puis vous pouvez nous rejoindre pour discuter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Aujourd'hui, les inégalités sont-elles une fatalité, une lecture historique des idéologies qui justifient les inégalités? Avec vous, Thomas Piketty, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, professeur à l'École d'économie de Paris et vous publiez Capital et idéologie. On vous connaît pour le capital au XXIe siècle, etc. Est-ce que c'est la suite? Oui, c'est la suite, et ça essaye d'aller plus loin sur deux points importants, qui est de sortir du cadre occidental. C'est-à-dire que le capital au XXIe siècle est très centré sur l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, la façon dont les guerres mondiales, qui sont quand même beaucoup européennes, détruisent les richesses, comment elles se reconstituent ensuite. Là, j'adopte une perspective beaucoup plus mondiale. Il y a des chapitres sur l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine. Et puis surtout, je m'intéresse davantage aux idéologies, c'est-à-dire aux systèmes de justification des inégalités. Donc je pense qu'ils sont toujours, ils ont toujours un fond de plausibilité et de vérité qu'il faut les prendre au sérieux. Il faut prendre les idéologies au sérieux, qui ne sont pas de pure voile pour justifier a posteriori une domination éternelle des élites sur le reste de la société. Il y a toujours eu des formes d'imagination, il y a des formes d'hypocrisie aussi dans ces idéologies, mais c'est toujours plus sophistiqué que ça, sinon ça s'effondre très vite. Et donc j'essaie de raconter cette histoire de différents systèmes de justification des inégalités pour aussi mieux mettre à distance les justifications du présent, les premiers de cordée, etc., etc., et aussi mieux réaliser à quel point tout ceci est très fragile et finira par être remplacé par d'autres systèmes idéologiques et institutionnels, de même que tous les systèmes du passé, puisque cette quête, cette espèce d'apprentissage de la justice, ce besoin de sens qu'ont les sociétés humaines ne va évidemment pas s'arrêter là. Thomas Piketty, c'est vrai que dans Capital et idéologie, vous travaillez sur le temps long, le temps très long, vous faites œuvre d'historien en soi par la collecte des sources, et tout ça, nous allons en parler dans l'émission, et nous allons également, toujours dans la même réflexion sur le rapport de l'humain, du travailleur, à la notion de capital, qui est quelque chose de plus complexe au XVIIIe siècle, et pourtant nous avons des éléments d'explication sur le monde d'aujourd'hui, quand on regarde parfois ce qu'on pourrait presque appeler de la micro-histoire, des pendus à Londres au XVIIIe siècle. Pour nous en parler, vous êtes là avec nous aujourd'hui, Philippe Minard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Paris 8, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes professeur également invité à l'Université Cornell aux États-Unis et vous avez signé la préface d'un ouvrage intitulé « Les pendus de Londres » de Peter Linbow. Pourquoi avoir signé cette préface? On fait une préface d'un ouvrage que l'on considère intéressant, important, qui apporte quelque chose. Oui, et c'est dans la continuité pour moi de l'importation en France des problématiques d'histoire sociale telles que les Britanniques l'ont développée dans les années 70 dans le sillage d'Edward Thompson, le grand historien Edward Thompson qu'on connaît pour la formation de la classe ouvrière anglaise. Et j'avais déjà préfacé et présenté la traduction d'un autre livre d'Edward Thompson qui porte sur des sujets très proches de celui traité par Peter Linebaugh dans Les Pendus de Londres, qui s'appelait La guerre des forêts. D'ailleurs, Peter Linebaugh est un ancien étudiant d'Edward Thompson. Et pour moi, cette histoire sociale de l'Angleterre du XVIIIe siècle est très importante et très intéressante, très suggestive d'un point de vue méthodologique, et très intéressante pour la compréhension de comment se construit au XVIIIe siècle le capitalisme agraire et manufacturier dans cette fabrique du capitalisme qu'est l'Angleterre du XVIIIe. Dans l'Angleterre du XVIIIe, où l'on ne pend pas simplement les criminels comme on pourrait l'imaginer, on pend également des travailleurs pour des raisons particulières qui n'existaient pas auparavant, mais qui, au XVIIIe siècle, deviennent des crimes. Nous allons parler de tout ça dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission programmée par Anaïs Kien. Anaïs Kien que nous retrouverons en fin d'émission avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous allons faire un petit tour en l'an 1000. Enfin, en tout cas, nous allons retrouver Georges Duby qui nous parle de l'an 1000. Nous sommes en 1978, l'année où paraît les Trois Ordres ou l'imaginaire du féodalisme. Vous savez, ce schéma traditionnel qui divise la société en clergé, noblesse et paysans, pour simplifier. Georges Duby, mais j'ai presque envie de dire, qu'avez-vous voulu montrer ? Mon intention, une intention d'historien, c'était précisément de saisir le moment d'émergence de cette image, de cette représentation mentale de la société qui a dominé véritablement la conscience collective des Français jusqu'à la Révolution et même au-delà. Et il s'agissait pour moi justement de préciser au fond la chronologie et les circonstances de cette apparition. Et depuis longtemps, on savait que la société médiévale se voyait ainsi, trifonctionnelle. Mais il s'agissait de voir plus clair. Et on peut dire que c'est une structure mentale. Mais à un certain moment, elle a été employée et insérée dans un système idéologique parfait. Un système idéologique parfait, c'est Georges Duby qui parle dans l'émission Agora sur France Culture le 8 décembre 1978. Thomas Piketty, Georges Duby vous rejoint, ou j'ai plutôt envie de dire vous rejoignez oui, Georges Duby ça, dans votre programme. C'est ça, on retrouve l'idéologie et la volonté de comprendre ce moment d'émergence. Oui, moi j'essaye, je cite beaucoup bien sûr Georges Duby, et j'essaye de reprendre cette histoire des sociétés trifonctionnelles et des systèmes idéologiques trifonctionnels, donc qui sont plus subtils effectivement qui pourraient sembler, parce qu'il y a quand même l'idée, il y a deux idées qui sont pas si simples que ça, qui est d'abord de diviser les élites avec deux types de légitimités différentes, une légitimité liée au maintien de l'ordre, le maniement des armes, mais c'est aussi la sécurité, c'est quelque chose de tout à fait important, et puis une légitimité, disons, intellectuelle, religieuse, ceux qui dispose de la culture écrite qui donne un sens à l'histoire, à l'existence des sociétés en question. Et il s'agit de faire en sorte que chacune des deux groupes ne se prenne pas pour l'autre. C'est-à-dire que d'un côté, les guerriers doivent écouter les sages conseils des clercs, mais de l'autre, les clercs ne doivent pas se prendre pour des guerriers. En particulier, ne doivent pas porter les armes, ce qui n'est pas du tout toujours évident dans les relations de l'époque. Et puis, il y a un autre élément qui n'est pas si simple, qui est l'unification du troisième pôle, le pôle du travail, qui en fait est divisé en des main-d'œuvre plus ou moins serviles, plus ou moins forcées. Et la question de l'unification du travail et de la dignité du travail en tant que travail est une question tout sauf simple et qui, c'est un processus qui va se dérouler pendant des siècles de disparition de différentes formes de travail forcé. Et dans un livre récent que j'essaye de synthétiser dans mon livre de Mathieu Arnoux sur le temps des travailleurs, Mathieu défend l'idée que finalement c'est aussi ce processus d'unification du travail et de sortie du travail forcé qui nourrit d'une certaine façon l'expansion médiévale, une plus grande incitation au travail, d'une certaine façon, enfin une plus grande réalisation dans le travail. Alors, grâce à des coopérations mutuellement coopératives avec les deux autres classes de la société ternaire. Une vision peut-être un peu trop idyllique, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tomber. Mais je pense que c'est important de reprendre aussi cette histoire avec ces éléments de plausibilité pour mieux comprendre aussi les difficultés au moment de sa transformation, notamment au moment de la Révolution française, dans le cas français, où on va, on va finalement parfois se retrouver davantage à durcir le droit de propriété, ce qu'on voit aussi au XVIIIe siècle au Royaume-Uni ou dans d'autres contextes européens, sans forcément remplacer le rôle social joué par les différents groupes de la société ternaire, qui était peut-être pas idéal, mais qui parfois existait. Et si on se contente de durcir le droit de propriété et qu'on ne le remplace par rien, c'est pas forcément idéal non plus. Puis l'autre raison pour laquelle j'essaye de reprendre cette histoire des sociétés trifonctionnelles dans mon livre, c'est vraiment dans une perspective transnationale et en particulier dans la comparaison avec d'autres espaces civilisationnels, notamment la question de l'Inde. Parce que il y a cette vieille tradition de remontant à Dumézil, disant voilà, il y a les mêmes origines indo-européennes dans la logique trifonctionnelle, qui a été très très controversée. Et je pense qu'effectivement c'est plus intéressant d'une certaine façon d'insister sur les éléments de différenciation et les différences dans les trajectoires suivies par la suite, plutôt que de s'émerveiller sur le côté intangible de la logique des trois classes. Et dans le cas indien, ce qui est très intéressant, c'est la rencontre entre cette logique trifonctionnelle ancienne, enfin, qui prend une forme un peu différente dans le cadre indien, avec les brahmanes, les kshatriyas, avec la noblesse et le clergé européen, évidemment, mais qui a quand même des points communs à un niveau très général. Sauf que là, c'est la rencontre avec la logique coloniale britannique et les recensements coloniaux britanniques qui vont vouloir mettre dans des cases des recensements, l'ensemble des groupes sociaux tels qu'ils essayent de les percevoir en Inde à l'époque, mais évidemment ils sont pauvres, ils sont totalement perdus, ces pauvres administrateurs britanniques, et finalement ils finissent par rigidifier, inventer des catégories qui, à force de leur distribuer des droits et des devoirs pendant un siècle, finissent par avoir une réalité qui pèse finalement dans l'héritage inégalitaire indien jusqu'à aujourd'hui. Et donc moi, c'est ça qui m'a intéressé aussi dans cette problématique des sociétés trifonctionnelles, c'est que la sortie des sociétés trifonctionnelles est un processus très long qui laisse des traces avec des abolitions du servage qui ont pu avoir lieu très tardivement en Europe, et puis des discriminations et des inégalités liées aux anciennes catégories, aux anciens statuts qui continuent d'être très très présents jusqu'à aujourd'hui en Inde. Donc c'est une histoire très longue qui, voilà, j'essaye de réouvrir et de reprendre un certain nombre d'éléments en me basant sur énormément de travaux et j'espère n'en avoir pas trop raté, j'en rate sans doute beaucoup. Oui, en tout cas, votre ouvrage, Thomas Piketty, est conséquent et surtout il est très argumenté, c'est ça qui est intéressant. Il est argumenté que ce soit par les sources que vous avez consultées ou les travaux que vous avez consultés. Philippe Minard. Si l'on suit le fil rouge des idéologies et des manières de légitimer la domination, en parallèle au capital, il y a une évolution idéologique sur le travail et dans la transformation qui nous fait passer du Moyen-Âge au temps moderne et puis au temps contemporain, il y a cette réhabilitation du travail au sens de travail productif, qui justifie de la part des élites un discours de mise au travail qui est le levier pour la croissance. Et donc il y a idéologiquement, il est intéressant de suivre en même temps les deux fils, le capital et le travail, parce que les deux bougent. Les deux bougent, et puis on a entendu aussi la notion de propriété qui est essentielle dans cette réflexion. La notion de propriété évolue selon le temps, la notion de travail évolue, vous l'avez dit Thomas Piketty, le travail n'est pas le même tout le temps. Nous allons écouter la lecture d'un poème au roi Robert d'Adalbéron de Laon, l'évêque, celui qui, autour de l'an 1000, théorise cette division tripartite de la société. Il nous est lu ce matin sur France Culture par Nathalie Canoui. Le roi. La cité de Dieu est donc homogène et une seule loi la gouverne ? L'évêque. C'est-à-dire que l'Église ne forme qu'un corps, mais la constitution de l'État en comprend trois. Car l'autre loi, la loi humaine, distingue deux autres classes. Nobles et serfs sont en effet de conditions différentes. Parmi les nobles, deux sont au premier rang. L'un est le roi, l'autre l'empereur. Et c'est leur autorité qui assure la solidité de l'État. Le reste des nobles a le privilège de ne subir la contrainte d'aucun pouvoir, à condition de s'abstenir des crimes réprimés par la justice royale. Ils forment l'ordre guerrier et protecteur de l'Église. Ce sont les défenseurs de la foule du peuple, des puissants et des humbles, et ils assurent par le même fait le salut de tous et le leur propre. L'autre classe est celle des serfs. C'est là une race d'hommes malheureuse et qui ne possède rien qu'au prix de sa peine. Qui pourrait, en opérant au moyen des billes d'une table de calcul, faire la somme de leurs occupations, de leurs fatigues et de leurs travaux ? Finances, garde-robe, approvisionnement, tout cela est fourni à tous par les serfs. Si bien qu'aucun homme libre ne saurait vivre sans leur concours. Se présente-t-il une tâche à accomplir ? Désire-t-on se mettre en frais ? Il semble alors que les rois et prélats soient les propres serfs de leurs serfs. C'est à eux que leurs maîtres doivent leur nourriture, alors qu'ils s'imaginent les entretenir. Aussi, point de fin pour les larmes et les gémissements des hommes de la classe servile. Ainsi donc, la cité de Dieu, qui se présente comme un seul corps, est en réalité répartie en trois ordres. L'un prie, l'autre combat, le dernier travaille. Ces trois ordres qui coexistent ne peuvent se démembrer. C'est sur les services rendus par l'un que s'appuie l'efficacité de l'œuvre des deux autres. Chacun d'eux contribue successivement à soulager les trois. Et pareil assemblage, pour être composé de trois parties, n'en est pas moins un. C'est par cette constitution que les lois ont pu triompher. Et le monde jouir de la paix. Une lecture d'un texte d'Adalbéron de Londres, qu'on est au 9e siècle, quoi. On est dans la théorisation de la division tripartite du monde. Et Thomas Piketty, vous rigolez en écoutant ça. Non, la lecture était très belle. Ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les textes indiens équivalents, le Manusmriti, sont écrits un millénaire plus tôt, autour, on ne sait pas très bien, ça a été rédigé autour du 2e siècle avant Jésus-Christ, entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle avant Jésus-Christ, par un groupe de prêtres hindous, brahmanes, qui explique quelque chose d'assez similaire, sauf qu'il y a un quatrième groupe, disons, de travailleurs libres, artisans, commerçants urbains, entre les deux groupes du haut et le groupe du bas, mais il y a un système qui a beaucoup de points communs. Bon, il y a une justification en termes de stabilité, c'est-à-dire que dans la pratique des sociétés de l'époque, autant qu'on puisse en savoir, les choses étaient évidemment beaucoup plus complexes que ça, c'est-à-dire que c'est un schéma normatif, c'est une vision idéale d'une société stable, enfin aux yeux des prêtres qui décrivent ce schéma. Dans la pratique, les noblesses passaient leur temps à se renverser les unes les autres, des nouveaux groupes arrivaient, prenaient le pouvoir, les frontières entre qui était vraiment noble ou pas noble au niveau local étaient tout sauf claires, et donc c'était le chaos évidemment. Et c'est simplement dans ce chaos, il y a un besoin, notamment pour la classe religieuse, d'essayer de discipliner un peu les guerriers qui sont pas forcément les choses sont pas forcément très très calmes et disciplinées, et puis d'essayer de mettre de la logique dans tout ça pour que chacun se tienne à sa place. Et cette logique de stabilité par les trois ordres après va être d'une certaine façon remplacée par une logique de stabilité par le respect absolu donné au droit de propriété, qui lui est censé être indépendant, au moins en théorie, des origines statutaires. Vous n'avez pas besoin d'être membre de la noblesse, vous avez, en principe, il est ouvert à tous. Donc c'est ça la nouveauté radicale, c'est de dire vous avez une forme d'émancipation possible, ouverte à tous par le droit de la propriété. Bon, sauf qu'en pratique, la propriété elle-même va devenir comme une nouvelle religion et va devenir une espèce de sacralisation du principe de respect absolu de droit de propriété qu'on va voir s'épanouir au 19e siècle avec des épisodes comme les compensations données aux propriétaires d'esclaves et non pas aux esclaves au moment des abolitions, parce que avec vraiment l'idée que si on commence à remettre en cause ce principe-là, c'est l'ensemble de l'ordre propriétariste qui risque de s'effondrer. Donc les différentes sociétés passent de systèmes de justification et de stabilité à un autre. Le texte là illustre très bien le premier système dont on parlait. Thomas Piketty, dans Capital et idéologie, au Seuil, vous écrivez « Le savoir et l'histoire demeurent nos meilleurs atouts. Chaque société humaine a besoin de justifier ses inégalités et ses justifications contiennent toujours leur part de vérité et d'exagération. » C'est-à-dire que dans toutes les sociétés que vous avez pu étudier, et c'est vrai qu'il y en a, vous en avez déjà cité deux, c'est, on va dire, la société médiévale européenne, vous avez cité les sociétés esclavagistes, systématiquement, et c'est ce qui vous a intéressé, on va trouver un discours, une pensée, on fait de l'histoire des idées à ce moment-là, qui va justifier, vous évoquez l'exagération, c'est-à-dire qu'il y a cette justification avec peut-être l'idée que ce n'est pas vraiment réel, mais peu importe, il faut un discours. Vous le trouvez systématiquement, ce discours ? Oui, c'est-à-dire que les groupes dominants ont besoin de justifier leur position, c'est-à-dire ils peuvent pas se contenter, dans aucune société, les groupes dominants vont se contenter de dire, voilà, nous dominons, vous êtes dominés, et puis c'est tout, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est au service d'un projet, qui a ces ces dimensions d'hypocrisie, évidemment, mais qui doit quand même susciter un minimum d'adhésion. C'est-à-dire que je pense que la domination politique s'accompagne toujours d'une forme de domination intellectuelle, morale, en tout cas essaye de s'appuyer sur un discours de justification morale et intellectuelle qui doit avoir des éléments de plausibilité, sinon le système s'effondre très vite. Alors après, ça dépend évidemment des capacités de mobilisation des acteurs, mais ces capacités de mobilisation sont jamais simplement matérielles et déterminées entièrement par la position sociale ou économique de chacun. Ils sont aussi intellectuels et dépendent de la capacité des acteurs à faire appel à des répertoires d'idées, d'idéologies, expérimentées dans le passé ou pas, parce qu'il y a des moments d'innovation radicale où on invente des nouveaux répertoires d'idées, d'institutions pour essayer de sortir des contradictions du régime précédent. Et voilà, j'insiste sur cette dimension lutte idéologique et pas simplement lutte des classes, disons, comme moteur de l'histoire, parce que la position sociale dans le système de production, aussi importante soit-elle, elle est essentielle dans la production de ces idées, ne suffit pas à déterminer entièrement une théorie de la propriété, une théorie de l'éducation juste, de l'impôt juste, de la frontière, du gouvernement. Il y a quand même une indétermination idéologique sur l'organisation de la société qui laisse place à une grande variété de trajectoires possibles. Et j'insiste beaucoup sur l'importance des moments de crise, mais l'importance des bifurcations et des multiplicités de trajectoires possibles dans ces moments de bifurcation. Et quand on fait de l'histoire, surtout sur du temps long, il se pose le problème de la contextualisation, parce que c'est un souci majeur de toujours se replacer dans la définition du mot tel qu'il veut dire à ce moment-là. Thomas Piketty, vous avez été confronté à ça en travaillant sur quelque chose d'aussi long. Nous parlons bien des discours, de l'idéologie, donc du texte. Nous ne sommes pas sur les chiffres, parce que les chiffres sont difficiles à étudier en histoire, pour comparer des périodes éloignées. Comment vous avez travaillé sur cette contextualisation, par exemple sur la notion de travail? Le travail, travailleur, n'est pas la même chose au Moyen-Âge ou au XIXe siècle. Oui, moi, je voudrais dire d'abord que dans ce livre, en particulier sur les sociétés pré-modernes et pré-industrielles, je me suis énormément appuyé sur des travaux faits par de très nombreux chercheurs de différents domaines concernés. Je citais tout à l'heure Mathieu Arnoux, mais beaucoup d'autres auteurs sur l'histoire de l'Indre, les livres de Nicolas Dirks, par exemple, sur l'histoire des systèmes esclavagistes. Donc, c'est un livre, d'ailleurs, c'est une des différences par rapport au livre précédent, et je crois que c'est ce qui le rend plus riche et plus intéressant, c'est que je me nourris beaucoup plus de beaucoup de travaux, de recherches en sciences sociales, que je prends beaucoup de plaisir à essayer de synthétiser et à mettre ensemble, disons, à décloisonner des littératures, par exemple sur l'histoire de l'Inde précoloniale par rapport à l'histoire des sociétés d'ordre d'anciens régimes, ou l'histoire de différents travaux récents sur les sociétés coloniales, par exemple sur l'Empire colonial français, des travaux récemment faits par Denis Cognot ou d'autres. Enfin, j'essaye de décloisonner des littératures qui parfois relèvent de l'histoire économique et sociale, disons traditionnelle, parfois davantage de l'histoire plus des idées ou de l'histoire politique, sur différentes aires civilisationnelles. Voilà, j'essaye de faire ça, je ne sais pas jusqu'à quel point j'y suis arrivé. À partir du début du XIXe siècle, là j'ai davantage de sources primaires que j'ai exploitées moi, qui sont des sources liées aux archives successorales, qui sont des sources liées par exemple dans le cas de l'Inde à toutes les publications des administrateurs coloniaux qui racontent comment ils essayent de mener leur premier recensement en Inde à partir de 1871. Et c'est vraiment passionnant la façon dont, voilà, ils inventent des catégories pour essayer de décrire. Et finalement, ils finissent par donner une réalité normative à ces catégories. Ce sont des matériaux qui avaient déjà été exploités, mais que j'ai repris avec beaucoup de plaisir. Toutes les enquêtes post-électorale, cette fois-ci sur le XXe siècle, sur les attitudes politiques et les affiliations partisanes en fonction des niveaux de diplômes, de revenus, de patrimoine, là ce sont aussi des matériaux primaires que j'ai repris dans le cadre de ce livre. Donc voilà, c'est un mélange, mais pour pouvoir parler d'autant de sociétés que celles que je couvre dans ce livre, évidemment je m'appuie énormément sur mes collègues chercheurs en sciences sociales. Philippe Pinard. Pour les historiens, quand il s'agit d'étudier les idéologies ou les discours, la pratique c'est de faire feu de tout bois, c'est-à-dire que Il y a bien sûr les grands textes, les grands auteurs, s'agissant de du capital et de la propriété, il y a des passages obligés très très importants de John Locke à Jean-Jacques Rousseau, si l'on veut. Mais on peut aussi traquer, et c'est ce que font les historiens, qu'a lu et synthétisé avec une maestria qu'il faut saluer, Thomas Piketty. Les historiens travaillent aussi sur, ils traquent l'idéologie ou les discours dans le moindre geste pratique des acteurs. Et il y a l'histoire intellectuelle ou l'histoire des discours et des idéologies telles qu'on l'a fait aujourd'hui ne fait plus de séparation entre les grands auteurs et puis les acteurs d'en bas, mais au contraire c'est l'articulation entre les deux et la manière dont se diffusent les choses, dont les idées et les formes de légitimation circulent entre les acteurs anonymes, si on veut dire, de la société civile et puis les auteurs patentés. Et c'est dans ce jeu-là qu'on peut traquer les formes de légitimation et les formes de justification que les acteurs donnent de leur pratique. Les idées sont-elles le bras armé du capital ? France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Thomas Piketty, Capital et idéologie, c'est vrai qu'il y a cette question qui transcende en fait l'ouvrage, et c'est la question des inégalités qu'on retrouve tout le temps, parce que cette notion au moins est quelque chose que l'on peut étudier sur le temps long, la réflexion sur l'inégalité. Par exemple, nous allons faire un petit tour au milieu du 19e siècle, précisément en 1848. Ah bah quelle date pour le Capital, 1848, mais pour une chanson, nous sommes un peu après la révolution de 1848, et l'on chante dans les rues les impôts, en l'occurrence là, nous l'entendons chanter par Robert Rocca. Bien que j'aie une patente, une femme et des enfants, je n'aime pas complaisante, des impôts je le défends. D'enrichir notre patrie, nous devons être contents. Augmentez-les, je vous prie, messieurs les représentants. Mon voisin me scandalise par un luxe injurieux. Tous les jours sous sa remise roulent des chars orgueilleux. J'entends dans son écurie hennir trois chevaux fringants. Imposez-les, je vous prie, messieurs les représentants. Messieurs les représentants, augmenter les impôts, enfin, c'est ce qu'on chantait en 1848, peu après la révolution de 1848. Dites-nous, Thomas Piketty, dans le Capital et idéologie, Capital et idéologie, vous réfléchissez aux inégalités. Cette notion d'inégalité est un fil conducteur qui permet de lire sur le temps long les réflexions autour du capital. Oui, c'est-à-dire les inégalités, la répartition des grandes fonctions sociales, les relations de pouvoir entre les groupes sociaux. Donc moi, notamment toute l'histoire de la propriété m'intéresse en tant qu'elle définit les rapports de pouvoir, de domination entre les groupes sociaux. Le 19e siècle essaye d'organiser vraiment autour du respect absolu du droit de propriété, qui devient à partir de là la mission centrale de l'État centralisé, alors qu'avant on avait un mélange de fonctions, disons, de nature régalienne et de nature économique, dont les élites au niveau local étaient garantes, la noblesse qui pouvait avoir un contrôle à la fois juridictionnel et un contrôle des terres. Ces deux fonctions, les droits régaliens et les droits de propriété, vont être séparés aussi strictement que possible au 19e siècle, sauf qu'en fait ça laisse encore une indétermination sur comment on organise le pouvoir politique. Donc 1848, c'est la fin des sociétés censitaires en France, mais qui vont continuer encore longtemps et dans d'autres sociétés européennes. Et moi je suis frappé sur, de façon générale, dans la dynamique des inégalités, sur l'absence, disons, de déterminant culturel ou civilisationnel éternel des inégalités, et l'importance d'abord du politique et des mobilisations politiques et du changement politique. Et de ce point de vue-là, un des cas que je décris dans mon livre, qui je pense est le plus frappant, c'est le cas de la Suède, qu'on aime voir aujourd'hui comme un pays éternellement et culturellement imprégné d'égalité, de même qu'on aime voir l'Inde comme éternellement et toujours inégalitaire, amoureuse de ses castes depuis toujours, ce qui d'ailleurs justifiait le projet colonisateur à l'époque. En vérité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'essence civilisationnelle particulièrement égalitaire, inégalitaire. Et en l'occurrence, la Suède était incroyablement inégalitaire au 19e siècle. Vous avez un système censitaire en Suède qui se poursuit jusqu'en 1911. Donc il faut payer l'impôt pour pouvoir voter. Alors, c'est pas. Alors, en France, on se contente entre 1815 et 1848 de dire il faut faire partie, en gros, c'est des 1% des contribuables les plus riches pour pouvoir voter. Il y a une petite sophistication avec le fait que les 0,1% des contribuables les plus riches ont une double voix à un moment, mais on s'arrête là. Les Suédois, entre 1865 et 1911, ils vont beaucoup plus loin puisqu'ils disent, en gros, il y a les 20% les plus riches qui peuvent voter, mais au sein de ces 20% les plus riches, vous avez entre 1 et 100 voix suivant le montant de vos impôts. Et même dans les élections municipales, il n'y a pas de plafond, c'est-à-dire ça peut aller au-delà de 100 voix, et vous avez plusieurs dizaines de communes en Suède jusqu'en 1911 où un seul électeur a, de façon parfaitement légale, plus de la moitié des voix. Et c'est notamment le cas du comte qui est Premier ministre à l'époque en Suède. Et même les entreprises ont le droit de voter dans les élections municipales en fonction du capital qu'elles ont dans la commune. Donc vous voyez que la sacralisation de la propriété conduit même à une espèce de confusion entre les règles de la démocratie actionnariale, enfin ce qu'on appelle parfois la démocratie actionnariale, c'est une action, une voix, et puis de la démocratie territoriale et politique, où normalement on est sur une autre logique. Et cette espèce de confusion est très intéressante au sein du 19e siècle et montre aussi les hésitations qu'on retrouvait d'ailleurs dans des sociétés coloniales, les premières formes de l'État de Virginie. C'était une société de marchands où on décidait plus en fonction des actions qui avaient été mises dans cette société coloniale. Puis après, ça va devenir un État territorial avec un homme, une voix. Mais cette distinction évidente, enfin, qui nous semble évidente aujourd'hui, en fait, s'est construite progressivement à la suite de mobilisations politiques et sociales et qui peuvent faire transformer très vite les choses, puisque dans le cas de la Suède, en 1911, on était dans le système que je viens de décrire, et puis dès 1932, le Parti Social-Démocrate arrive au pouvoir à la suite d'une mobilisation syndicale, sociale, très forte, qui va finalement mettre la capacité étatique au service d'un projet complètement différent. C'est-à-dire qu'au lieu de compter les fortunes pour distribuer des droits de vote, on va compter les fortunes pour distribuer des impôts progressifs pour financer les écoles et l'assurance santé publique. Et donc, le projet politique devient complètement différent à partir d'une même capacité étatique. Donc, la montée en puissance de l'État centralisé peut finalement se retrouver mise au service d'idéologies et de projets sociaux d'une nature complètement différentes et qui peuvent changer à une très très grande vitesse. Thomas Piketty, effectivement, dans votre étude sur capital et idéologie, on voit bien qu'il y a, et ces bouleversements sont fascinants, parfois des situations extrêmes. C'est le cas des sociétés esclavagistes, où là, les inégalités sont au maximum. On ne peut pas être plus inégalitaire. Et dans certains cas, je pense à Haïti, il y a un basculement très rapide, où d'un seul coup, par une action, en l'occurrence, elle est plus que politique, parce qu'elle est révolutionnaire, il y a un basculement complet. J'ai envie de vous poser une question qui peut paraître candide, mais dans votre regard que vous portez sur le temps long et sur plusieurs sociétés, voire civilisations, vous avez noté parfois des endroits où l'inégalité n'est pas si forte. Vous arrivez à hiérarchiser des possibles où on arrive à atténuer les inégalités. Oui, mais il y a un mouvement de long terme qui va plutôt vers la réduction des inégalités, dans le sens où les sociétés, en tout cas si on prend les sociétés européennes aujourd'hui, sont malgré la remontée des inégalités depuis les années 80-90, beaucoup moins inégalitaires qu'il y a un siècle, qui elles-mêmes l'étaient dans une certaine façon moins qu'un siècle avant. Alors ça dépend des dimensions qu'on prend en compte. Et en même temps, il y a des traces laissées par les inégalités du passé qu'on n'a pas pris suffisamment au sérieux et le cas d'Haïti étant un cas extrême. Vous avez une île qui a plus de 90% d'esclaves, hein, où les marchands français ont amené plus d'un demi-million d'esclaves à la veille de la Révolution française. Une révolte qui réussit, mais finalement, quand la monarchie française en 1825 accepte de reconnaître l'indépendance d'Haïti, c'est uniquement en obtenant de la part d'Haïti un remboursement pour avoir été privé de la propriété esclavagiste. Haïti va devoir rembourser, alors c'est fixé à l'époque à l'équivalent d'environ 3 années de production nationale d'Haïti en 1825, ce qui est évidemment pas remboursable en une seule fois. Les banquiers français vont proposer de refinancer ça moyennant intérêt, et Haïti va rembourser cette dette jusqu'aux années 1950. Et encore en 2004, au moment du bicentenaire d'Haïti, Jacques Chirac se demandait, j'y vais pas, les diplomates français lui ont dit, non, tu y vas surtout pas, parce qu'on va te demander des comptes, et donc il n'y a pas été. Et Donc ce passé-là a complètement surdéterminé tout le développement ultérieur de Lille et d'autres sociétés. Et c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à mettre en distance en France. Et je pense qu'il est temps de reprendre, parce qu'il y a des enjeux concrets qui peuvent se poser aussi à la Martinique, à la Guadeloupe, sur des questions de réforme agraire, qui sont des enjeux qu'on peut pas comme ça éluder éternellement, qu'il faut prendre au sérieux. D'ailleurs, en étudiant l'ensemble de ce qui pourrait être des cas, en fait, ce qui pourrait être des monographies, vous faites œuvre, Thomas Piketty, d'une mise à plat, en fait, sur le temps long et sur l'ensemble de la planète, de toutes ces situations. Et ces monographies qui vous alimentent sont faites par des historiens. Vous êtes économiste, mais c'est toujours complexe, économiste, historien, dans le sens où vous faites œuvre d'historien. En dessous, c'est une démarche d'historien. Et justement, nous allons là, maintenant, au pied d'un arbre. Un arbre pas très loin de Londres. Un arbre, si on lève la tête, c'est un peu sinistre, on peut y voir des pendus. Since laws were made for every degree to curb vice in others as well as me, I wonder there's no better company on Tyburn Tree. But since gold from laws can take out the sting, and if rich men like us were to swing, it would rid the land their numbers to see upon Tyburn Tree. Shirley et Dolly Collins qui chantent Tyburn Tree dans Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Perret Legras avec aujourd'hui à la technique Soit Boukorsa. Tyburn Tree. Dites-nous, Philippe Minard, qu'est-ce que cet arbre ? C'est l'un des lieux fondamentaux pour comprendre la manière dont les élites anglaises tentent de discipliner ce qu'elles jugent beaucoup trop turbulent, et de manière à avancer dans la sécurisation des propriétés. C'est un des trois angles d'un triangle. Au niveau d'Hyde Park, de l'actuel Hyde Park, on trouve l'arbre de Tyburn, et puis les deux autres côtés du triangle, c'est le tribunal de Lord Bailey au centre de Londres, et puis tout près, en face, il suffit de traverser deux rues, la prison de Newgate. C'est très très important parce que symboliquement, cela traduit la manière dont les élites anglaises du XVIIIe siècle, inquiètes des turbulences populaires, ont entrepris une vaste opération de criminalisation de ce qui auparavant n'était que des simples délits. Il s'agit du vol de matières premières, du braconnage sur les terres, dans un mouvement général qui est celui de l'avancée de la propriété entendue comme l'individualisme possessif, c'est-à-dire une rupture avec l'idée que auparavant il y avait des registres et des régimes de propriété variés. On pouvait être propriétaire d'une terre et permettre en même temps que les paysans autour qui n'en étaient pas propriétaires aient des droits d'usage dessus. On pouvait aussi considérer que les ouvriers pouvaient détourner une partie des matières premières qu'ils travaillaient, ça faisait partie de façon tacite de leur salaire. Et tout cela est en train de se refermer, et cela va aboutir donc à ces pendus, c'est-à-dire l'application de ce que les historiens ont appelé le code sanglant, le Bloody Code, qui se met en place au début du XVIIIe siècle. Les pendus de Londres, crimes et société civile au XVIIIe siècle, c'est un ouvrage de Peter Lindbaum, dont vous, Philippe Minard, donnez une préface et les notes aussi, c'est important d'annoter un ouvrage pour pouvoir le lire beaucoup plus facilement et comprendre le sens de ces pendus de Londres. Donc, il y a une rupture au XVIIIe siècle, c'est-à-dire que on criminalise ce qui ne l'était pas avant. Philippe Minard, vous avez cité par exemple le fait que quand on travaille, allez, je sais pas, dans la couture, un petit fil qui traîne, on peut l'emmener à la maison, ça ne posait pas de problème, et cela peut devenir un crime. Comment l'historien lit ce changement ? Dans quelle société de l'Angleterre du XVIIIe siècle s'inscrit cette criminalisation du petit fait ? Les notables anglais sont au début du XVIIIe siècle très très angoissés par ce qui leur apparaît une augmentation de la turbulence, des délits. De fait, les années 1720 sont des années un tout petit peu difficiles, après avoir supporté le coup important des guerres précédentes. Et on assiste dans les campagnes et dans les banlieues urbaine à une montée de ce que la presse du temps appelle le brigandage, et puis aussi de fortes turbulences. Par exemple, en 1721, Londres est complètement agitée par la grève des compagnons tailleurs. Vous pouvez avoir l'impression que c'est négligeable, mais c'est 15 000 ouvriers qui sont en grève, et le résultat de cette grève, c'est qu'elle est brisée par la force, bien sûr, et ça résulte par une loi qui interdit et qui criminalise, qui rend passible de non seulement la prison, mais aussi la peine de mort, le simple fait de s'assembler, de tenter de former une association ouvrière ou de se mettre en grève. De la même façon, en 1723, On commence à punir de la peine de mort le braconnage, et en particulier le braconnage de l'animal symbolique de la domination sociale de la gentry et de la noblesse, qui est le cerf. Dans les forêts royales, le braconnage est passible de la peine de mort. C'est ce qu'on appelle le Black Act, parce que les braconniers se peignaient le visage avec de la suie pour ne pas être reconnus. Cela veut dire que on arrive à Londres, rien qu'à Londres, au milieu du XVIIIe siècle, à quelques 500, 600 inculpations chaque année devant ce tribunal de Lord Bailey. Et pour les historiens, il y a une source, les historiens sont tributaires des archives, bien sûr, il y a une source fabuleuse, c'est que le tribunal de Lord Bailey publie ses délibérations dans des petits journaux, des petites brochures, et que on peut en faire maintenant une étude systématique parce que ces archives ont été numérisées, et on peut ainsi aborder ce vaste massif de 100 000 procès qui entre 1670 et 1830 dans la seule ville de Londres. Certes, Londres, c'est un mastodonte, 650 000 habitants au début du 18e, 1 million à la fin du 18e siècle, alors qu'il n'y a que 5 millions d'habitants en Angleterre. Donc Londres est une ville industrielle, une ville ouvrière, une ville turbulente. Dans les chantiers navals, les ouvriers aussi sont très très agités, justement au moment où la progression de l'idéologie de la propriété amène de la part des dirigeants des chantiers navals à une tentative pour modifier la manière de salarier et de payer, pour mieux surveiller les ouvriers. On leur retire le droit d'emporter ce qu'on appelle les copeaux. Tout simplement, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'ailleurs qu'on entend encore aujourd'hui qui pose problème, mais on voit que... La perruque. Ben oui, non, mais c'est vrai que c'est garder un petit truc, emmener un stylo, voilà, de son travail n'est pas un crime en soi, mais peut être criminalisé. Et d'ailleurs, les ouvriers peuvent s'organiser pour répondre à la dureté de la justice. C'est ce que feront les tisserands. D'ailleurs, nous allons écouter un extrait lu par Nathalie Canoui d'un témoignage. Hein. C'est des Shelburne Papers. C'est cité dans l'ouvrage de Peter Linbow, Les pendus de Londres. Les travailleurs se sont unis dans des associations d'une nature aussi alarmante que dangereuse. Ils ont conçu un plan d'une étendue à la fois plus importante et d'une plus grande singularité que tout ce que l'on a connu jusqu'ici dans les cas de coalition de ce type. Leur nombre s'élève à plusieurs milliers et ils sont soumis à la plus stricte discipline imposée par leur chef. Ils postent des sentinelles tout autour de Spitalfields et sont prêts à se rassembler à la moindre alerte. Ils se dissimulent sous des draps et sont armés de coutelas et autres armes. Il rédige des lettres menaçantes sous forme d'humbles requêtes adressées aux maîtres manufacturiers et empêche par intimidation les ouvriers qui seraient sans cela bien heureux d'être employés de travailler à des prix inférieurs. S'ils apprennent que l'ouvrage est payé en dessous du prix dans une maison, ils y pénètrent de nuit et ils coupent et détruisent les métiers à tisser, causant des dommages souvent estimés à plusieurs centaines de livres. On dit qu'ils adoptent la discipline de l'armée régulière. Les quelques individus qu'on a pu occasionnellement attraper dans les rues et incarcérer pour troubles et agressions ont été immédiatement secourus. Ils possèdent leur propre mot de passe et un jargon qu'ils sont seuls à comprendre. Nous sommes au XVIIIe siècle à Londres et nous entendons que face à la dureté de la justice, il y a une organisation des travailleurs, une organisation qui est presque une obligation pour survivre face à la dureté, je dis de la justice, mais pas seulement en fait, de l'ensemble du monde du travail et notamment celui des patrons. Oui, il y a une transformation d'ensemble de la société britannique au XVIIIe siècle qui va dans le sens de la rupture avec toutes les formes de solidarité sociale qui existaient auparavant, qu'on peut regrouper sous le nom de droit d'usage. Il était tacitement admis qu'on pouvait partager un certain nombre de choses, qu'on pouvait permettre un accès lorsqu'on était propriétaire pour que les paysans puissent glaner. Il était toléré et admis que cela faisait partie du contrat social, en quelque sorte, que les ouvriers puissent emporter un peu de fil, un peu ou de bois. Et tout cela disparaît progressivement au nom d'une sacralisation de la propriété et d'une dérégulation, d'une déréglementation de tout ce qu'étaient les usages anciens qui doivent disparaître devant simplement la force du marché et qui ne tolère plus ces formes de solidarité communautaire. Donc on va empêcher les ouvriers de s'organiser, on va emprisonner les paysans qui protestent contre les enclôtures et on agite le spectre de la menace ultime qui est la pendaison. Bien sûr, tous les inculpés, tous les condamnés ne sont pas pendus, mais il y a une utilisation pour frapper les esprits de la pendaison qui est un spectacle public qui doit faire peur et qui doit maintenir l'ordre. C'est une société très angoissée par la défense de la propriété et la sacralisation progressive de l'individualisme. Nous sentons qu'il se passe quelque chose dans ce 18e siècle de Londres qui fait, comme d'habitude, un écho à aujourd'hui. Thomas Piketty, vous faites oui de la tête. Oui, ce mouvement de durcissement du droit de propriété est fondamental et ce livre est passionnant, de même que le livre de Thompson sur Whigs and Hunters, sur le Black Act et cette... La guerre des forêts en français. La guerre des forêts en français qui montre vraiment ce mouvement qu'on retrouve progressivement dans toute l'Europe et tout au long du 19e siècle et c'est quelque chose qui aussi va nourrir ensuite des mobilisations qui vont s'exprimer au XXe siècle après la Première Guerre mondiale, avant aussi, mais voilà, c'est une préparation intellectuelle longue qui va permettre au remplacement de ce système propriétariste pendant la première moitié du XXe siècle. Bien justement, pour continuer à réfléchir sur ces basculements possibles, nous allons aller faire un petit tour à Cuba avec Anaïs Quien. À Cuba, l'île qui a fait basculer le monde en 1959, c'est le journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à tous aujourd'hui, et toutes, et toutes celles qui nous écoutent. Ben oui, Anaïs, dans le journal de l'histoire, une série documentaire consacrée à l'histoire de Cuba. Cuba, la révolution et le monde de Mick Gold revient sur 50 ans de relations internationales de l'île. En 1959, les révolutionnaires prennent le pouvoir et deviennent bientôt célèbres dans le monde entier. Tout le monde le sait. C'est d'ailleurs bien là le caractère extraordinaire de l'histoire de Cuba, une petite île qui devient un point névralgique de la guerre froide et retient l'attention des plus grandes puissances, régulièrement contraintes de bousculer leur agenda par les prises de position de Fidel Castro. Parce que dès les premières années, le nouveau régime cubain intéresse l'Union soviétique et défie leurs gigantesques voisins, les États-Unis. Les Caraïbes sont en ligne de mire. À commencer par la tentative catastrophique de la baie des cochons, orchestrée par l'administration Kennedy en 1961, qui envoie 1300 opposants cubains entraînés et armés pour mettre fin à l'implantation du communisme à peine à 150 km de leur côte. Bientôt suivie de la crise des missiles soviétiques installés clandestinement sur l'île, mais bien vite vite repéré, qui a donné des sueurs froides au monde entier et qui a fait apparaître un beau téléphone rouge dans les bureaux de la Maison Blanche et du Kremlin en 1962. La noche del 27 al 28 octubre. Dans la nuit du 27 au 28 octobre, nous étions épuisés. Nous avions creusé des tranchées toute la journée. Quand nous sommes allés nous coucher, quelqu'un m'a demandé... Carlos, toi qui as lu un manuel de l'armée américaine sur la guerre nucléaire, qu'est-ce qu'il va se passer ce soir en cas d'attaque ? J'ai répondu, eh bien, d'après ce que j'ai lu, il y aura une lumière aveuglante. Puis nous allons ressentir une immense chaleur avant de mourir. La devise « la patrie ou la mort », cela voulait bien dire ce que ça voulait dire. Fidel Castro était pourtant allé à la rencontre du président Nixon à Washington, où la condescendance et le dialogue de sourds avaient bien vite achevé de jeter les Cubains dans les bras de Moscou. Kennedy décrète l'embargo, toujours en cours aujourd'hui, pour asphyxier l'île. Mais cette révolution insulaire porte bien au-delà de ses frontières et mène le mouvement des non-alignés des pays du tiers-monde en mal d'autonomie, coincés entre les logiques de guerre froide et les poussières visqueuses des empires coloniaux effondrés. Cuba soutient l'Algérie en guerre pour son indépendance et Lakhdar Brahimi, représentant du gouvernement provisoire de la République algérienne, témoigne de sa visite à La Havane où il poirote une semaine entière avant que Fidel Castro ne lui accorde audience. Un jour, j'ai fini par dire, écoutez, il y a un avion demain, il faut que je le prenne. Alors, à 1h du matin, quelqu'un frappe à la porte de ma chambre d'hôtel. J'ouvre et je vois Fidel Castro en personne qui se tient là. J'ai voulu refermer la porte pour m'habiller. J'étais en pyjama. Mais il a dit, non, attends. Il est entré et nous avons parlé pendant presque 2 heures. L'exportation de la révolution à travers le monde devient un credo, mais ne rencontre pas toujours le succès escompté. À commencer par la Bolivie ou le Congo, où les conceptions révolutionnaires s'échouent sur les histoires nationales. La nation et la révolution, ça n'est justement pas une évidence partout. Nous avions sous-estimé l'aspect tribal. Cuba est un petit pays et nous ne sommes pas organisés par groupe ethnique. Nous sommes simplement un peuple qui mêle plusieurs origines. Nous avons une conception très claire de la nation. Nous défendons Cuba car nous sommes Cubains. Au Congo, c'était très difficile car chaque tribu se battait pour ses intérêts propres et son petit bout de terre. L'idée de nation n'avait aucun sens pour eux. Cuba gagne malgré tout dans son engagement contre l'Afrique du Sud en Angola et parvient à se faire admettre à la table des négociateurs, aux grandes dames des États-Unis qui figurent amèrement sur les très nombreuses images tournées pour l'occasion. On pourra regretter le déséquilibre flagrant entre les archives américaines et les autres, un déséquilibre devenu monnaie courante dans les documentaires d'histoire lié à la mise à disposition très généreuse de leurs archives par les États-Unis, mais Mick Gold parvient quand même à nous raconter cette histoire de Cuba vue de l'extérieur. On attend un équivalent pour l'histoire intérieure de Cuba, des opposants au régime et de ceux qui le soutiennent. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci beaucoup Anaïs Kien. Et pour assouvir votre curiosité, vous pouvez réécouter le journal de l'histoire de ce jour et tous les autres sur la page internet du cours de l'histoire, du journal de l'histoire, et profiter des liens qui sont partagés et illustrés. Thomas Piketty, nous sommes toujours, et c'est un peu le sens de votre réflexion sur l'inégalité, en fait en quête de justice. Oui, et mon livre est un livre qui se veut aussi optimiste parce que j'essaye de montrer qu'il y a une forme d'apprentissage de la justice au cours de l'histoire. C'est-à-dire cette histoire, très loin d'être terminée, et va se poursuivre. Et voilà, Thomas Piketty, Capital et idéologie, donc il y aura la suite, mais c'est vrai que les erreurs des luttes contre les inégalités pèsent beaucoup sur les luttes d'aujourd'hui, on l'entend bien. Merci beaucoup Thomas Piketty, merci Philippe Minard, c'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Anne Toscan-Fiudès, Marion Dupont, Camille André et Alexandre Manzanares. La semaine prochaine, le travail contre la liberté, oui, il sera question d'esclavage.